Chapitre 31. Madame Sénéchal le reconduisit sur le carré. Elle était inquiète, non de la santé de sa fille, mais de l'état de sa bourse. « Je ne sais plus que devenir, avoua-t-elle à Joseph. Je fais croire à Angèle qu'il nous reste un peu d'argent pour qu'elle ne se tourmente pas. Mais la vérité est qu'il n'y a pas 3 francs à la maison. » Il vida son porte-monnaie dans les mains de la vieille dame en lui recommandant de le faire avertir dès que l'enfant serait venu. Il était à peine parti que les grandes douleurs commencèrent. Angèle les supporta, comme elle l'avait annoncé, avec beaucoup de courage. Mais la nuit, elle fut prise d'un crachement de sang. La matrone, que la mère Sénéchal, par un motif d'économie, avait choisie parmi les plus humbles et les moins achalandés, manifesta de l'inquiétude et insista pour qu'on allait acquérir une sage-femme de première classe. Celle-ci arriva au bout d'une heure en robe de soie traînante, gantée, avec des airs de grande dame. Elle regardait de haut sa modeste collègue et l'emmena dans un coin pour conférer plus librement. « Ces femmes m'agacent avec leurs chuchotements, » murmurait Angèle. « N'est-ce pas, mère, que je ne vais pas mourir ?»« Ce que vois-tu, il ne faut pas, je ne le veux pas. » La matrone à la robe de soie revint près du lit, écouta la respiration d'Angèle et dit tout bas à l'autre, « Je crois qu'elle y restera, et je ne veux pas en avoir la responsabilité. Allez chercher le docteur. » On amena un médecin du voisinage. Les douleurs redoublaient. La mère Sénéchal avait jeté son tablier par-dessus sa tête pour ne pas entendre les plaintes de sa fille. Tout à coup, Angèle poussa un cri plus strident. L'enfant venait de naître, et c'était un garçon. Madame Sénéchal accourut. Elle couvrait sa fille de baisers, et prenant le marmot, elle le lui montrait. Angèle posa ses lèvres sur les yeux clos du baby. « Comment ? » soupira-t-elle. « C'est à moi, ce beau garçon. Pauvre cher petit, je veux qu'on l'appelle René. » Puis elle murmura, « Qu'on envoie chercher Joseph. » Elle fut prise de nouveaux crachements de sang et perdit connaissance. Le médecin s'était retiré dans la salle à manger avec la sage-femme. Il secouait la tête d'un air peu rassurant, parlait d'épuisement nerveux et ajoutait que la malade ne pouvait aller loin. Quand Joseph accourut, il était près de 5 heures du matin. Angèle était étendue sur son lit et sa mère avait apporté le petit près d'elle. « Joseph, mon bon Joseph !» commença-t-elle en essayant de soulever sa main. « Asseyez-vous tout près et dites-moi que je ne vais pas mourir. La vie serait si heureuse maintenant que j'ai mon enfant, heureuse comme un bai, dans la maison où l'on entendait le bruit de l'eau. » Elle avait ouvert les yeux et semblait écouter une musique lointaine. « Vous verrez, continua-t-elle, comme je serai bonne mère. Nous l'emmènerons à la campagne, dans un endroit où il y aura de belles roses et tout plein de chèvrefeuilles. Ah, les chèvrefeuilles de Vélizy, comme ils sentaient bon !» Elle souleva sa tête, se tourna vers la fenêtre et le jour blanchissait et le verre de René lui revint sur les lèvres. Elle les murmurait avec un accent doux comme un bercement. « Je m'endors et là-bas, le frissonnant matin, baigne les pampres vertes d'une rougeur furtive. Et toujours cette odeur amoureuse m'arrive avec le dernier chant d'un rossignol lointain et les premiers cris de la grive. » Elle ferma les yeux, poussa un soupir et s'endormit réellement du sommeil qui ne finit plus. Elle était morte. La mère Sénéchal ne voulait pas y croire. Elle parlait à sa fille, l'embrassait, et la voyant demeurer inanimée, elle appelait le médecin à grand cri. Mais celui-ci était déjà parti, accompagné de la sage-femme en robe de soie. L'autre s'occupait de l'enfant. Madame Sénéchal comprit alors que tout était perdu. Prise d'un désespoir farouche, elle s'était jetée sur le nouveau-né. Elle l'accusait d'avoir causé la mort de sa fille. Elle le maudissait. Les vagissements que poussait le pauvre a exaspéré encore la vieille dame, et elle l'aurait tué si une voisine accourue à ses cris ne le lui avait arraché et ne l'avait emporté chez elle. Le désespoir de cette mère était navrant. Debout devant le lit de sa fille, elle défendait qu'on en approchât. Elle voulait rester seule avec la morte qui était là, étendue dans toute sa blanche beauté rigide, avec ses magnifiques cheveux châtains épars. La mère Sénéchal bouleversa un tiroir en rapporta une couronne de roses artificielles qu'Angèle avait mise le jour de sa première communion et la posa dans les cheveux de sa fille. Puis elle s'agenouilla devant le lit défait, sous l'oreille duquel était encore le vieux jeu de cartes, tant de fois consulté et qui tant de fois avait prédit la fortune d'Angèle. Joseph, à demi aveuglé par les larmes, sortit pour s'occuper des détails de l'enterrement. Le lendemain matin, un corbillard de dernière classe vint chercher le cercueil. Un quart d'heure avant, Toussaint avait couru engager sa montre au mont-de-piété de la rue du Vieux-Colombier. Il ne voulait pas que celle qui avait tant aimé les fleurs s'en allât sans une dernière gerbe embaumée, et il revint avec un gros bouquet de violettes qu'il posa sur la bière. Personne de ceux qui avaient connu Angèle n'était là pour escorter le corbillard. Toussaint seul, étouffant ses sanglots, accompagna la pauvre fille jusqu'au fond du cimetière Montparnasse. Quand il rentra rue du Dragon, il trouva la mère sénéchale, qui berçait le petit dans une barcelonnette improvisée. La vieille femme s'était apaisée. Cet enfant était maintenant tout ce qu'il restait de la fille qu'elle avait adorée, et son aversion s'était changée en une tendresse passionnée. Elle le dodelinait en pleurant, avec des mots caressants, entremêlés d'adieux adressés à Angèle. « Elle était si belle, ta mère !» lui murmura-t-elle. Les gens des Ponts Funèbres eux-mêmes étaient en admiration devant sa beauté. « Tu lui ressembleras, mon mignon. Ta grand-mère t'aimera bien, bah, chérubin. Mais je suis trop vieille. Hélas, mère de Dieu, pourquoi suis-je si vieille? Si je meurs ainsi, qui prendra soin de toi, pauvre enfant sans père ?» Joseph s'approcha de la vieille aïeule et du petit, qu'il baisa gravement. « Le père, dit-il à Madame Sénéchal, ce sera moi. » Les mourants ont, à ce qu'on prétend, un remarquable don de clairvoyance. La prédiction de la pauvre Angèle se réalisa, et la naissance de l'enfant changea la veine. Lors de l'installation de l'assemblée à Versailles, Joseph, grâce à la protection de son ancien patron, obtint un emploi de secrétaire au service sténographique, et si la fameuse succession Morel resta toujours dans les brouillards de l'archipel malais, du moins une tante d'Angèle, vieille fille qui avait amassé quelques rentes en confectionnant des robes pour les belles dames de baie, mourut en laissant une quinzaine de mille francs à Madame Sénéchal. Celle-ci vint alors habiter avec l'enfant et la nourrice chez Toussaint, qui se trouva tout heureux d'avoir à son tour à préparer un nid bien douillet, bien intime, à l'imitation du nid d'Albestroff. L'oiseau du nid, le petit René, devint fort et gaillard, et Madame Sénéchal, qui en raffolait, recommença en son honneur ses voyages au pays des chimères. Penchée sur son berceau comme une vieille fée du temps passé, elle lui tirait les horoscopes les plus merveilleux et déclarait simplement qu'il portait sur le front la marque du génie. Toussaint souriait. Dans les lignes encore molles de cette mignonne figure, il retrouvait, lui, les traits adorés d'Angèle. Parfois, des sanglots lui montaient à la gorge lorsqu'il voyait tout à coup, selon l'expression d'Emerson, l'image de la mère apparaître à la fenêtre des yeux de l'enfant. On parlait souvent d'Angèle dans la chambre bien close où s'endormait le marmot. Il y avait alors entre Joseph et Madame Sénéchal de ces silences solennels pendant lesquels il semblait que la chair ombre de la morte passa au milieu d'eux. En septembre 1874, Joseph, appelé en Lorraine par des affaires de famille, avait emmené avec lui le petit René. Au retour, il ne put résister à la tentation de s'arrêter quelques heures à baie. Il descendit de la station tenant l'enfant par la main, passa lentement dans la rue des Tanneurs, où l'étude boblique dressait toujours ses panneaux sourouillés, et vint religieusement s'adosser au petit pont des Augustins, d'où l'on embrassait du regard les ogives de l'église, le cours somnolent du canal et les noires façades des maisons de la rue de Savonnières. Rien n'était changé. L'eau bouillonnait avec le même bruit sous les voûtes de la filature, et par la croisée ouverte de l'ancienne chambre des clercs, un bout de rideau flottait comme autrefois. Joseph évoquait un à un les souvenirs du passé. Il lui semblait que le temps jadis allait ressusciter, et que tout d'un coup, à la fenêtre ornée de peaux de balsamine, Angèle allait apparaître, blanche et souriante, avec ses beaux cheveux châtains et ses yeux couleur de bleuet. Tandis qu'il soulevait le marmot pour lui montrer l'eau, un bruit de pas lui fit tourner la tête, et il tressaillit douloureusement en apercevant René des Armoises qui traversait lentement le pont. Le poète reconnut Joseph et sa figure trahit un sentiment de gêne et de honte. Toutefois, comme il ne pouvait pas décemment l'éviter, il vint à lui la main tendue. « Vous ici, Toussaint ? » s'écria-t-il, « par quel hasard ?» Il s'interrompit brusquement. Ses yeux venaient de tomber sur le petit René, que Joseph avait déposé à terre et qui jouait avec des brins de paille. L'enfant était si bien le portrait de sa mère qu'il n'y avait pour des Armoises aucun doute possible. Il sentit son cœur sauter dans sa poitrine et pâlit. « Vous voyez ?» répondit Joseph d'une voix grave. « Je suis venu faire un pèlerinage à la vieille maison de M. Sénéchal. » Il eut un long silence embarrassant. Les yeux de Des Armoises revenaient toujours se fixer sur l'enfant, et l'on devinait qu'il se passait dans le cœur du poète une lutte pénible. Pendant ce temps, Joseph examinait avec surprise le changement qui s'était opéré dans la personne de son ancien ami. Il avait engraissé, ses traits s'étaient empâtés, sa toilette était négligée, et ses yeux semblaient voilés par une incurable mélancolie. « Vous me trouvez changé ? » demanda-t-il avec amertume en devinant le sens des regards de Toussaint. « Que voulez-vous ? Le temps marche et nous vieillissons. » Puis, fiévreusement, et d'une façon décousue, il le questionna sur sa position actuelle, sur Paris, sur la politique. Toussaint répondait tout de travers. Le nom d'Angèle ne vint pas une fois sur leurs lèvres, mais le souvenir de la jeune fille se dressait entre eux comme un fantôme. « Et la poésie ?» dit Joseph avec compassion de l'embarras croissant de René. « Vous ne publiez plus rien, il me semble. Seriez-vous comme ces arbres qui, après une première récolte abondante, cessent tout à coup de donner des fruits ?» Des Armoises eut un sourire navrant. « Je suis, répliqua-t-il, comme un arbre qui ne reçoit plus le soleil. Le mur de la province m'étouffe, et mes branches ne donnent même plus de fleurs. Comment voulez-vous que l'inspiration me visite, dans une maison pleine de crieries d'enfants, et sans cesse troublée par les commérages mesquins d'une petite ville ? Ne pouvez-vous revenir à Paris ? Non. Je suivrai bien ma chaîne. Cette guerre nous a ruinés. J'ai deux enfants, une femme qui s'ennuie, un beau-père que la chute de l'Empire a rendu à moitié idiot, une mère qui s'aigrit et se décourage. Je vis dans ma maison comme un cloporte dans un vieux mur. » Il abaissa de nouveau ses regards vers le petit René, qu'il examinait avec de grands yeux étonnés. « Adieu, » reprit-il rapidement, « je ne vous invite pas à venir nous voir. La maison n'est pas assez gaie. Les enfants sont maussades et ma femme est souffrante. Ah, ne vous mariez pas, mon cher. Adieu. » Joseph le regarda s'éloigner dans la direction de la ville haute. Il se rappelait le brillant René des Armoises qu'il avait vu un matin dans la plaine Velle, si jeune, si plein de verve, si confiant dans l'avenir qui lui souriait. Ses yeux se reportèrent une dernière fois sur le Des Armoises d'à présent, qui cheminait le dos légèrement voûté et comme affaissé sous le poids d'une secrète lassitude. « Fini, » murmura-t-il avec un sentiment de pitié profonde. Il souleva le petit René, le baisa de reprise et redescendit vers la station avec l'enfant dans ses bras. Ainsi s'achève La fortune d'Angèle par André Theuriet.